il serait bon de regarder un peu en profondeur le phénomène de la contenance de son énergie. Lorsque l'homme est inconscient, nous disons qu'il est bon qu'il se contienne. Mais l'homme inconscient n'a pas conscience du phénomène de l'énergie. Il n'a pas conscience non plus de la réalité de l'énergie. Il ne fait que répondre à des aspects psychologiques de son ego qui le place dans certaines situations où il peut ou ne peut pas se contenir. Mais lorsque l'homme se conscientise et qu'il réalise l'aspect concret du mouvement de l'énergie dans son être, il a tendance au début à comprendre ou à vouloir croire que le mouvement de son énergie, sous quelque prétexte que ce soit, est un mouvement qui doit être rendu comme il se manifeste. Autrement dit, l'homme qui se conscientise, qui devient plus sensible, plus ouvert à son énergie, a tendance à la laisser se manifester dans le monde, et naturellement, cette énergie crée des chocs dans le monde. Avec l'évolution de la conscience et la compréhension des principes de fond concernant l'équilibre des centres et le pouvoir du mental sur l'énergie qui passe à travers l'homme, ce dernier réalisera que tant qu'il ne pourra pas contrôler son énergie et la contrôler parfaitement, il sera assujetti à son mouvement et il sera assujetti à une sorte de souffrance quelconque, vécue soit personnellement ou vécue à travers d'autres qui auront été éclaboussés par sa manifestation. L'énergie de la conscience de l'homme nouveau sera de plus en plus forte au cours de l'évolution de ses principes. Mais d'un autre côté, cette énergie devra être de plus en plus contrôlée par lui au cours de l'évolution de son mental, au cours de l'évolution de sa conscience. Les hommes inconscients n'ont pas à supporter le choc vibratoire de l'énergie de l'homme nouveau, à moins que ce soit absolument nécessaire, autrement dit absolument intelligent. Et ceci demande que l'homme soit intelligent dans sa conscience. Et l'homme conscient a encore moins à supporter l'énergie vibratoire de l'homme en évolution parce que déjà il a suffisamment souffert dans sa conscience. Donc il n'a pas à souffrir des hommes en évolution de conscience. Il est essentiel de comprendre ceci parce que l'homme nouveau doit évoluer vers la maîtrise de lui-même à un point tel que dans l'avenir, l'énergie qui fait partie de lui, l'énergie qui se manifestera en lui, devra être totalement rendue dans le monde de façon intelligente. Sinon, cette énergie sera perçue de façon négative et elle sera aussi une manifestation du manque de maturité chez l'homme. L'ego n'est pas habitué à la descente de l'énergie. Il n'est pas habitué à un taux vibratoire nouveau. Il n'est pas habitué au produit d'une certaine fusion de conscience. De sorte que l'ego, lorsqu'il est inconscient, fonctionne toujours par rapport à des mécanismes psychologiques. Mais lorsque l'ego se conscientise, il cesse graduellement de fonctionner par rapport à ces mécanismes de réflexion Et à ce moment-là, s'ouvrent en lui ses centres. Et c'est lorsque les centres s'ouvrent que l'énergie se manifeste avec une force de plus en plus grande. Et c'est à l'homme lui-même de contrôler cette force, cette énergie. Sinon, il peut facilement créer dans sa vie autour de lui des situations qui seront à la base de conflits de toutes sortes. Même si l'homme conscient réalise ce qui se passe en lui sur le plan vibratoire, ce n'est pas une raison pour laisser se déchaîner en lui son énergie. L'énergie doit être amenée à un niveau de perfectionnement. Elle doit être amenée à un plan de parfait équilibre afin que l'aspect mental et l'aspect émotif de l'homme ne soient pas en opposition, mais plutôt en convergence. Et pour que l'énergie soit utilisée chez l'homme de façon créative, il faut que le côté émotif, primitif de l'être humain soit amené à un niveau de perfectionnement où l'énergie émotive, au lieu d'abaisser la nature de la conscience, servira à l'élever, c'est-à-dire à lui donner une couleur de plus en plus noble, de plus en plus représentative d'une personne réellement intégrée en elle-même. Le contrôle de son énergie fait partie du développement de la maturité, donc il fait partie du mouvement de l'homme à partir de la personnalité vers la personne. Plus l'homme entrera dans l'aspect profondément créatif de la personne, de sa personne, plus il laissera derrière lui les aspects facultatifs de la personnalité, aspects qui sont reliés à son passé, aux mécanismes habituels de l'ego. Donc il est évident que le contrôle de l'énergie ne viendra pas facilement à l'homme nouveau, parce que justement, ce contrôle demandera que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir dépasser la petitesse de son esprit. C'est-à-dire, il lui faudra en arriver à avoir une mesure profonde et réelle de la grandeur de l'esprit. Si l'homme fonctionne par rapport à l'ego, il vivra une sorte de déchéance vibratoire, c'est-à-dire que l'énergie le manipulera avec force. Et plus il sera sensible sur le plan émotionnel, plus cette énergie se déchaînera en lui et fera ses ravages jusqu'à ce qu'il comprenne les lois de la conscience supramentale, lois qui sont en elles-mêmes absolues, dictées par la lumière et fondamentales à l'évolution de la conscience intégrale de l'homme. Que l'ego soit un être d'habitude, de mécanique planétaire, c'est normal. Mais que l'homme en arrive un jour à passer du stage de la conscience planétaire au stage de la conscience universelle, ceci demandera qu'il comprenne les lois de l'énergie de façon de plus en plus avancée, afin de pouvoir, avec le temps, les années, les générations, en arriver à transmuter cette énergie jusqu'au jour où il pourra l'utiliser parfaitement sur le plan matériel, en relation avec les royaumes, en évolution et en relation avec sa propre évolution personnelle, interne, allant jusqu'à la conscience de l'éther. Rien ne sera donné à l'homme gratuitement. Il devra transmuter la totalité de ce qui lui est donné, parce que l'homme conscient est un être libre, libre dans le sens qu'il doit se rendre libre de l'imperfection caractérisée par la descente de l'énergie sur les plans inférieurs du cosmos en évolution. Donc, si l'homme doit être libre, il doit être libre parfaitement, donc il doit être parfaitement intelligent, donc il ne peut pas laisser sa nature inférieure, son passé, les attributs de la personnalité interférer avec l'aspect créatif de l'énergie. L'énergie est en elle-même créative, mais elle est puissante. Et si elle passe par un véhicule qui n'est pas perfectionné, qui n'a pas de maturité, elle devient destructive et périssante. Donc, l'homme en évolution devra apprendre à ne pas laisser astraliser son énergie. Il devra comprendre que cette énergie doit être équilibrée par lui et qu'elle ne peut pas s'équilibrer par elle-même. Ceci est extrêmement important. C'est l'homme lui-même qui équilibrera son énergie. Elle ne peut pas s'équilibrer d'elle-même parce que elle n'a pas de personnalité, elle est prépersonnelle, elle est totalement créative dans ce sens qu'elle descend vers l'homme, qu'elle passe à travers lui, et c'est à lui de l'utiliser, cette énergie. C'est un peu comme la pluie. C'est à l'homme d'utiliser la pluie pour faire un jardin. Mais si l'homme ne contrôle pas la pluie détruira le jardin. L'énergie créative de l'homme nouveau est une énergie nouvelle sur le plan matériel, sur la Terre. Elle est nouvelle parce que les conditions psychologiques de l'ego auront été amenées à un niveau de transformation inégalé au cours de l'histoire humaine. De sorte que l'énergie nouvelle de la conscience en évolution nécessitera que l'homme comprenne très bien les lois de cette énergie. Ces lois lui seront expliquées, mais lui devra les appliquer. S'il n'applique pas les lois de cette conscience nouvelle, il se découvrira de très grandes failles, de très grandes faiblesses, des failles plus grandes que celles qu'il avait connues au cours de l'involution, parce que l'énergie en lui sera plus puissante. Contenir son énergie demandera que l'homme en arrive à un niveau de conscience mentale suffisamment élevé pour que les aspects inférieurs de sa conscience, ces aspects qui touchent à la qualité émotive de son être, ne fassent pas interférence avec son comportement humain. Si l'homme nouveau laisse le moindrement l'énergie émotive colorer cette puissante force vibratoire en lui, il est évident que la vie sera difficile. Parce que le processus créatif de la nouvelle conscience sera le résultat de l'union, de la fusion du mental de l'homme avec l'énergie du double. Donc, ceci demandera que l'homme en arrive à être suffisamment mental pour que l'énergie ne se serve pas de lui, pour qu'il n'en devienne pas un esclave, mais un maître. La transmutation du corps mental permettra à l'homme de comprendre ceci. Mais tant que le corps mental ne sera pas parfaitement transmuté, autrement dit, tant qu'il y aura encore de l'énergie émotive dans l'intelligence, l'homme aura de la difficulté à bien saisir cette notion qui fait partie de la science mentale de l'homme de demain. L'évolution de la conscience supramentale fait partie de la réorganisation psychique de l'homme. Elle fait partie de la maîtrise de l'homme sur une énergie qui, par le passé, fit de lui un être à conscience expérimentale. Donc, pour l'homme nouveau, la conscientisation n'est pas simplement un fait de connaissance occulte, mais beaucoup plus, c'est un fait de reconnaissance que les aspects occultes de sa conscience doivent être amenés à un terminal. Et ce terminal, c'est l'ego mûr. L'ego qui a de la maturité, l'homme qui ne se laisse pas piéger, envoûter par lui-même. L'homme nouveau devra apprendre à contrôler sa nouvelle force. Il devra reconnaître avec le temps que cette force ne devient utile que dans la mesure où il est capable de voir à travers le jeu subtil de l'astral qui peut l'utiliser contre lui. Ceci demandera que l'homme en arrive éventuellement à reconnaître que dans le mouvement de cette énergie, dans la descente de cette énergie, il existe un point situé dans le mental où cette force doit s'arrêter. Et si l'homme ne reconnaît pas ce point dans le mental où cette force doit s'arrêter et devenir le produit de son contrôle, à ce moment-là, l'homme sera en initiation solaire, c'est-à-dire qu'il devra continuer à vivre de l'expérience de cette énergie nouvelle sans pouvoir la mater, sans pouvoir l'utiliser créativement pour lui. L'évolution de la conscience supramentale n'est pas reliée à l'évolution psychologique de la connaissance qui s'y rattache. L'évolution de la conscience supramentale est un processus graduel qui va vers l'infinitisation de l'homme, qui va vers la totale fusion de l'homme, qui va jusqu'à l'intégration de l'homme. Donc, pour que l'individu en arrive à comprendre la relation entre l'énergie en lui qui se manifeste comme une nouvelle force et sa capacité personnelle de la contrôler, il lui faudra reconnaître que cette force ne peut pas être utile pour lui tant qu'il n'a pas cessé d'être infirmé par les courants astraux de sa conscience planétaire. Ceci, en termes simples, veut dire que l'homme apprendra avec le temps à reconnaître le jeu, le mouvement, la subtilité de la force et ne gardera pour lui que la puissance créative de sa valeur. Cette puissance créative fera partie de sa conscience, alors que les autres aspects seront des aspects inférieur de sa conscience future ou de sa conscience en évolution. L'homme reconnaîtra le manque de perfectionnement dans sa capacité de contenir son énergie et ce manque de capacité fera de lui un être vulnérable, vulnérable à l'énergie et aussi vulnérable par rapport aux autres qui réagiront à cette énergie. Pour que l'homme puisse bénéficier de sa conscience de façon intégrale, il faudra qu'il apprenne à réaliser que dans la mesure où l'énergie passe en lui, que dans la mesure où cette énergie se manifeste, lui doit être parfaitement harmonisé à elle, sinon elle le désharmonise. Et pour que l'homme soit parfaitement harmonisé à son énergie, il faut qu'il soit de plus en plus mental, jusqu'à en devenir un jour parfaitement mental. Être parfaitement mental ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions. Être parfaitement mental veut dire ne pas être assujetti émotivement. Être parfaitement mental veut dire être capable d'utiliser l'énergie de la conscience à partir d'un plan dans l'esprit, où la relation entre l'ego et le double est parfaite, où la relation entre l'ego et la lumière est sans faille aucune. Ceci demande naturellement que l'homme évolue, que l'homme comprenne les lois de la psychologie supramentale ou les lois de la conscience. Ceci demande que l'homme en arrive à réaliser les aspects créatifs de la conscience par rapport aux aspects néfastes, descendants, destructifs, d'une conscience qui n'a pas été harmonisée au mental, mais qui a été amplifiée par le corps émotionnel. Et c'est l'amplification par le corps émotionnel de cette énergie qui créera dans la vie de l'homme une grande tension, une grande souffrance, et qui empêchera que l'homme puisse s'harmoniser facilement avec les autres. L'homme qui utilisera créativement son énergie pourra facilement se faire des amis parce que cette énergie sera créative. Mais l'homme qui sera utilisé par son énergie deviendra de plus en plus seul. Lorsque l'énergie de la conscience descend dans l'homme, elle crée au début un égrégore, c'est-à-dire qu'elle crée une force inférieure à elle-même, une force qui est le produit de sa rencontre avec les plans inférieurs de l'homme. Et c'est cet égrégore qui est responsable pour le manque de contrôle que l'homme a sur cette énergie. L'homme qui se conscientise au début a l'impression que la descente de l'énergie dans sa conscience, dans ses plans, est naturellement créative. Et ce n'est pas le cas. Elle devient avec le temps créative dans la mesure où cet égrégore, qui est le produit de sa rencontre avec la conscience planétaire de l'homme, a été éliminé. Et l'élimination de cet égrégore est justement ce qui crée chez l'homme la grande maturité de la conscience universelle. C'est l'élimination de cet égrégore qui fera la différence entre l'homme nouveau, conscient, et l'homme en évolution de conscience. Et l'élimination de cet égrégore est essentielle parce que il est une source de souffrance, autant pour soi-même que pour les autres. Il est une sorte de nuisance. Il est le sous-produit du contact d'une énergie dont la vibration est élevée avec une autre énergie faisant partie de la conscience planétaire dont la vibration est plus basse. Et le choc de ces deux énergies qui crée l'égrégore dont nous parlons doit être amenuisé avec le temps, diminué avec le temps. Et le travail que l'homme fera sur lui-même en relation avec ceci créera en lui une très grande maturité. Il lui fera voir les aspects subtils du contact entre l'énergie de cette conscience supérieure avec les plans inférieurs de l'ego. De ceci naîtra la lucidité. De ceci naîtra le parfait équilibre entre l'énergie cosmique de l'homme et l'énergie planétaire de l'homme. De ceci, l'homme pourra se nourrir, croître, avancer, créer, vivre et éventuellement immortaliser sa conscience. Mais tant que l'homme ne pourra pas contenir son énergie, il sera semblable à la feuille dans le vent qui éventuellement est déchirée de la branche pour tomber morte sur le sol. Alors que la feuille doit demeurer sur l'arbre, elle doit être fortifiée par l'arbre. Et cet arbre, c'est la puissante volonté créative de l'homme, sa capacité de contrôler la vitalité de l'énergie qui passe en lui, afin de donner une manifestation à cette énergie, mais une manifestation qui est en harmonie avec le monde, en harmonie avec l'homme, mais toujours au-dessus des influences du monde dans lequel l'homme vit. Si l'homme nouveau se laisse emporter par son énergie, d'une façon ou d'une autre, pour une bonne raison ou une mauvaise, le problème demeurera avec lui, parce que il ne s'agit pas que l'énergie se manifeste à travers lui selon sa personnalité, mais qu'elle se manifeste à travers lui selon la puissance créative de son intelligence, c'est-à-dire selon l'équilibre qui existe entre sa personne et le double. Si l'énergie se manifeste chez l'homme en fonction de sa personnalité, il est évident qu'au cours de son évolution, cette énergie lui créera des souffrances, comme elle créera des souffrances à ceux qui sont autour de lui, parce que l'ego aura l'impression d'avoir raison. Alors que dans la conscience universelle de l'homme en évolution, il ne s'agit pas pour l'ego d'avoir raison, il s'agit pour l'homme d'être parfaitement intelligent des lois de l'énergie afin de pouvoir bénéficier parfaitement de la conscience de l'énergie, afin de pouvoir conséquemment être constamment dans la science de l'énergie. Et c'est la science de l'énergie qui, un jour, deviendra pour l'homme le point de départ vers sa grande créativité. La science de l'énergie, non pas dans un sens philosophique, mais dans un sens purement vibratoire, où l'ego, ayant acheminé suffisamment dans la lutte contre la manipulation, finalement pourra commencer à bénéficier du mouvement opposé, c'est-à-dire du contrôle de l'énergie pour lui-même et pour l'humanité. Le développement de la maturité pour l'ego, c'est ou équivaut à la compréhension subtile des lois de l'énergie manifestées à travers son esprit. L'esprit n'est pas une plateforme philosophique. L'esprit est un mouvement d'énergie. Et ce mouvement d'énergie doit être balancé parfaitement avec le bien-être de l'homme, donc de l'ego. Mais pour ce, il faudra que l'ego apprenne à contrôler ce mouvement, c'est-à-dire qu'il lui faudra comprendre que dans le mouvement de l'énergie, il y a la descente de l'énergie et aussi il y a la réaction égoïque à cette descente. Réaction qui fait preuve de la manifestation astrale de sa conscience en relation avec cette énergie. Et c'est l'aspect astral de la conscience humaine qui empêchera l'homme de contrôler cette vibration, cette énergie vibratoire. C'est l'astralisation de la conscience de l'ego qui l'empêchera d'être parfaitement lucide. Surtout dans le cas de l'homme nouveau, où la conscience du mouvement énergétique en lui deviendra de plus en plus grande. L'homme ne doit pas prendre la présence de la conscience vibratoire en lui comme un aspect réel et déterminant de son évolution. L'homme doit prendre le mouvement de l'énergie en lui comme étant une manifestation claire et nette de la présence de l'esprit à travers ses chakras, mais en tant qu'être individualisé, individualisable, en tant qu'être qui doit être libre, il ne doit pas succomber aux aspects astraux de sa conscience planétaire. C'est à ce moment-là qu'il prendra le contrôle de l'énergie, c'est-à-dire qu'il ne se laissera plus manipuler à aucun niveau, qu'il ne pourra plus souffrir, qu'il ne se permettra pas de souffrir ou de faire souffrir les autres. Il y a dans la conscience de l'homme suffisamment de voile pour que lui, en tant qu'être, se donne des raisons souvent très subtiles pour faire souffrir d'autres personnes. Et ceci fait partie de l'illusion de la conscience humaine et planétaire. Et c'est à ce moment-là que l'homme ne peut pas réaliser jusqu'à quel point il doit être parfaitement équilibré avec l'énergie, et que cette énergie ne doit pas être utilisée contre lui, mais que lui doit l'utiliser pour lui-même et pour l'humanité, donc pour lui-même et en parfaite harmonie avec les autres. L'intégration de la conscience future de l'homme nouveau implique sa contenance totale de l'énergie. Cette énergie ne peut pas passer à travers lui comme s'il était une éponge. Il devra totalement la contenir. Et sa capacité de la contenir sera proportionnelle naturellement à l'inviolabilité de sa conscience psychologique. Si psychologiquement l'homme est violable, c'est-à-dire qu'il vit certaines failles, qu'il n'est pas totalement opaque, à ce moment-là, l'énergie passera à travers ses sens, mais sa manifestation sera perçue comme étant colorée par l'ego. Et tant que l'énergie de l'homme sera colorée par l'ego, il manquera chez lui l'intégration. N'étant pas parfaitement intégré, l'homme ne pourra pas parfaitement bénéficier de cette force en lui, qui est universelle et cosmique, très grande, très créative. Donc, il demeurera un être avancé, il demeurera un être capable de comprendre des aspects subtils de la vie, mais il ne pourra pas vivre sa vie en fonction de ce qu'il sait. Autrement dit, la transparence de l'ego n'existera pas chez lui. Et au cours de l'évolution, la transparence égoïque doit exister chez l'homme parce que elle fera partie même de la qualité de la conscience supramentale de l'homme. Tant que l'ego ne sera pas transparent, ce sera un signe qu'il n'est pas capable de contrôler l'énergie. Que l'énergie, dans son mouvement puissant, fait résonner en lui des cordes, et ces cordes, naturellement, seront vite identifiables à un aspect plus ou moins émotif de sa personnalité. Plus l'homme sera dans la personne, moins il sera dans la personnalité, plus il y aura le contrôle de l'énergie. Plus l'ego sera transparent, autrement dit réellement neutre, réellement capable d'absorber la force en lui et de la manifester en fonction d'un équilibre parfait entre lui-même et le double. Sinon, l'ego sera réduit à vivre une sorte de vie ésotérique, une sorte de vie à la fois initiatique et à la fois mécanique. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'homme est sujet à l'empire de la désinformation. La désinformation fait partie du pouvoir des forces cosmiques à travers l'homme, forces qui utilisent l'aspect astral planétaire de sa conscience. Et tant que l'homme est sujet à la désinformation, il est sujet à ne pas pouvoir contrôler son énergie. Il y a une relation étroite entre la désinformation de l'homme et son absence de contrôle de l'énergie. Et comme l'évolution future mène l'homme vers la fusion, il est évident que l'homme ne connaîtra pas la fusion dans un sens profondément réel sans avoir lui-même à lutter contre les aspects inférieurs de sa conscience qui le rattachent à la subjectivité de son ego. Autrement dit, plus l'homme passera de l'involution à l'évolution, plus il sera forcément amené à disparaître psychologiquement pour apparaître ou transparaître créativement. Et la différence entre la manifestation psychologique de l'ego, même si elle est très ésotérique, très avancée en ésotérisme ou en science obscure, tout de même, l'ego demeurera un être qui est violable. Et les êtres autour de lui le percevront. Et un homme qui n'est pas transparent peut quand même apporter à l'homme une certaine science, une certaine compréhension. Mais il ne pourra pas donner à l'homme l'énergie dont ce dernier a besoin pour s'affranchir complètement, c'est-à-dire pour réaliser parfaitement sa vraie nature. Parce que si l'homme n'est pas capable de contrôler son énergie, il y a une partie de son énergie qui viendra se déteindre chez l'autre. Et ceci ne doit pas être. Les hommes ne doivent pas être influencés par l'énergie de ceux qui en sont vibratoirement conscients. Les hommes doivent être amenés à comprendre, à réaliser des choses, mais d'une façon qui est totalement libre de ceux qui manifestent l'énergie. Sinon, nous revenons encore à la relation maître-disciple, nous revenons encore à la relation de ces hommes qui impressionnent les hommes, et ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Si l'homme a été enchaîné pendant l'évolution, il devra être déchaîné au cours de l'évolution. Et si l'homme ne contrôle pas son énergie, à cause de sa coloration, à cause de ses subtilités, il continuera d'une façon particulière à enchaîner les hommes autour de lui, et au lieu de travailler à l'évolution de la conscience, il continuera à travailler à l'initiation de la conscience. L'homme qui se conscientise peut aller chercher un certain plaisir, une certaine perception, une certaine valeur dans l'initiation des autres. Mais un jour, il devra se retirer. Un jour, il sentira le besoin de se retirer. Le désir ou le vouloir d'initier les autres à travers une énergie que nous ne contrôlons pas. C'est une situation temporaire qui fait partie de l'immaturité psychique de l'ego. Mais viendra le moment au cours de l'évolution où les hommes ne seront plus intéressés à initier les hommes, où ils seront capables de parfaitement contrôler leur énergie et de travailler avec les hommes sur un même pied d'égalité, après avoir choisi les hommes avec lesquels ils voudront bien travailler. Mais si l'homme ne contrôle pas parfaitement son énergie, elle sera suffisamment astralisée, même si elle est très occulte, très ésotérique. Elle sera suffisamment astralisée pour que lui, au lieu d'être transparent, se manifeste un peu comme une statue, un point de mire. Et cette condition sera purement temporaire. Elle durera quelques années, quelques mois, quelques générations. Mais avec le temps, elle disparaîtra parce que l'homme découvrira un jour que sa fonction sur le plan matériel, ce n'est pas d'initier les hommes à travers une énergie qu'ils ne sont pas capables de contrôler et dont ils ne comprennent pas parfaitement les lois, mais de travailler créativement à l'évolution d'une pleine civilisation, à l'évolution d'une pleine relation entre l'homme et l'homme, et l'homme et son propre esprit. Donc le besoin de contenir son énergie, le besoin de ne pas être assujetti à elle, est essentiel, fondamental, et deviendra demain absolu, parce que demain, l'homme voudra de plus en plus être libre du pouvoir de cette énergie sur lui. Il voudra plutôt l'utiliser à sa volonté, et il voudra aussi vivre en relation avec des hommes qui sont sur une longueur d'onde avec lui, mais non pas assujettis à lui d'aucune façon, parce qu'une forte présence en lui utilise sa personnalité pour faire passer dans le monde tel ou tel message. Nous avons encore le complexe du maître, nous avons encore le complexe de la supériorité psychique, mentale, médiumnique, spirituelle, occulte, ésotérique. Et ce complexe fait partie de la faillibilité de l'ego. Il fait partie du besoin de l'ego de grandir. Il fait partie de la nouvelle distinction entre l'inconscience et le conscient. C'est normal. Mais nous disons qu'avec le temps, L'homme deviendra très lucide, l'homme deviendra très centrique, l'homme deviendra très libre, et à partir de ce moment-là, nous verrons des hommes qui ont un tel contrôle de l'énergie qu'ils seront capables de commander à la matière. Mais tant que l'homme ne pourra pas parfaitement contrôler son énergie, il pourra influencer l'extérieur, mais il ne saura pas créer dans l'extérieur. Autrement dit, il pourra influencer à cause de sa force qui est astralisée, mais il ne pourra pas libérer l'homme, parce que pour libérer l'homme, il faut être soi-même parfaitement libre. Nous avons connu au cours de la vie beaucoup d'êtres qui ont commencé à vivre leur vie ésotérique, sensible, sur le cheval de la bataille occulte, mais qui, au cours des mois, des années, ont réalisé la finalité de cette expérience et se sont graduellement retirés de l'arène ésotérique, de l'arène de la conversion de l'homme, de l'arène de la transmutation occulte de la conscience humaine pour commencer à s'occuper de leurs petites affaires. Donc tout ceci fait partie d'un tout, tout ceci fait partie d'une période, d'un cycle, et tout ceci s'éteindra. Et le plus vite l'homme en arrivera à contrôler son énergie parfaitement, le plus vite il commencera à travailler socialement avec des hommes qui ont d'autres chats à fouetter que de vouloir transmuter, changer ou faire évoluer l'humanité. La puissance de la conscience supramentale de l'avenir ne sera pas fondée sur la relation de l'homme conscient à l'homme inconscient. Elle sera fondée sur la relation créative de l'homme conscient en relation avec des masses inconscientes qui sauront voir qu'il existe dans l'homme de grandes avenues encore non exploitées.